passion pour la société. Rapper que la politique c'est mal, et que de gauche à droite ça sent chacal. We go in this girls for society, mais ça va foutre très mal aussi. Vu qu'on ferait rien d'autre pour la changer, rien d'autre que de gueuler. Gueuler, gueuler, meugler, meugler, meugler, meugler. Gueuler, meugler, meugler. Meugler, meugler, meugler, meugler, meugler.